Section 28 des Illuminations d'Arthur Rimbaud. Lue pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Matinée d'ivresse. Ô mon bien, ô mon beau, fanfare atroce où je ne trébuche point, chevalet féerique, hurrah pour l'œuvre inouïe et pour le corps merveilleux pour la première fois. Cela commença sous les rires des enfants, cela finira par eux. Ce poison va rester dans toutes nos veines, même quand, la fanfare tournant, nous serons rendus à l'ancienne inharmonie. Oh, maintenant, nous si dignes de ces tortures, rassemblons fervemment cette promesse surhumaine faite à notre corps et à notre âme créée. Cette promesse, cette démence, l'élégance, la science, la violence, on nous a promis d'enterrer dans l'ombre l'arbre du bien et du mal, de déporter les honnêtetés tyranniques, afin que nous amenions notre très pur amour. Cela commença par quelques dégoûts, et cela finit, ne pouvant nous saisir sur le champ de cette éternité, cela finit par une débandade de parfums. Rire des enfants, discrétion des esclaves, austérité des vierges, horreur des figures et des objets d'ici, sacrés soyez-vous par le souvenir de cette veille. Cela commençait par toute la rustrerie. Voici que cela finit par des anges de flamme et de glace. Petite veille d'ivresse sainte, quand ce ne serait que pour le masque dont tu nous as gratifié, nous t'affirmons, méthode. Nous n'oublions pas que tu as glorifié hier chacun de nos âges. Nous avons foi au poison. Nous savons donner notre vie tout entière, tous les jours. Voici le temps des assassins. Fin de la section 28. Cet enregistrement fait partie du domaine public.